Radio Campus Lille, 20h. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les rapataires qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM et vous écoutez La Voix sans maître, l'émission du CCL, Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar à Lille et de tous les anarchistes de la Terre. Ce soir, on va causer de différents trucs. On va causer de l'actualité de la manif de mercredi en soutien au Rhum. Et du coup, de qu'est-ce qui s'est passé à Lille de ce côté-là. On va causer peut-être des militaires et du Rafale. Et on va peut-être causer de l'île aux pépinières à Saint-Maurice. Voilà, grosso modo, le programme. Et comme toutes les semaines, on va commencer par l'agenda de ce qui va se passer. Et on rappelle que vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00. Pendant les pauses musicales, bien sûr. Ouais. Pas tout de suite. On commence cet agenda ? Oui. Oui. Alors, demain. Samedi 14 février 2015 à 14h au Centre Culturel Libertaire, donc de 14h à 18h, il y a un atelier réhabillé qui est un atelier de couture, customisation de vêtements ou réparation de vêtements. Et du coup, c'est de 14h à 18h. Je vous vois étonné par là, vous faites des gros là. Oui, oui, oui, non, non, pas de problème. Et en même temps, donc. Comme c'est jusqu'à 18h au CCL, il y a possibilité de faire l'autre activité d'abord et peut-être d'aller au CCL après. Et à 14h aussi, samedi 14 février 2015, il y a une manifestation qui part de la Grand Place de Lille et du coup qui est une manifestation contre la chasse aux pauvres pour la réappropriation des quartiers, des terres et des moyens de production. Est-ce qu'on lit l'appel ou pas ? On peut en lire un bout ou au moins le début, ouais, vas-y. Alors, quotidiennement, l'État et les multinationales gèrent et aménagent le territoire. Sous couvert d'utilité publique, ce qui est visé, c'est plus de croissance, de réduction des terres cultivables et d'espaces non productifs. C'est toujours la promotion du même mode de vie, aller plus vite, consommer plus, produire plus, contrôler tout. Les concertations et les dites enquêtes publiques ne sont que de la communication sur des projets déjà ficelés par l'État, les entreprises et les collectivités territoriales. La résistance à ces projets imposés a pris ces dernières années la forme de luttes de territoire. De Valsouza à Notre-Dame-des-Landes, en passant par Sivens et d'autres luttes moins médiatiques, il s'agit toujours de se dresser contre la course à la bétonisation et à la marchandisation de nos espaces de vie. Mensonges médiatiques, procès, emprisonnement et meurtres sont les réponses de l'État aux opposantes et opposants. Dans le Nord-Pas-de-Calais, région déjà ravagée par des siècles d'industrialisation, la logique capitaliste suit son cours. La ligne THT, soit très haute tension, Avelin-Gavrel, le canal Seine-Nord, la ferme des Mille Vaches, le grand port de Boulogne participent de ce même progrès. Ici aussi, l'emploi, le transport, la sortie de la crise et les énergies et constructions dites durables servent à nettoyer toute contestation. À travers cette ligne toute tracée, la soumission de tous les partis politiques à l'injonction capitaliste, leur mépris affiché pour les classes populaires et la résignation ambiante font le jeu des idées réactionnaires et des groupuscules fascistes. Ces groupes et le FN sont tout autant parties prenantes de ce jeu de monopoly géant. Plus localement, à Lille, Aubry applique la même recette de développement de la métropole. Densifier, homogénéiser, chasser les pauvres, l'eurométropole lilloise ne fait que suivre ses consoeurs européennes avec comme arme la construction du grand stade, les pôles d'excellence, Euratechnologie, Eurasanté, ses machines culturelles, Lille 3000, Maison Folie, Centre européen des cultures urbaines. Trois petits points. Dans les quartiers et maisons laissées à pourrir, la communauté urbaine et la société publique locative Euralil poursuivent leur conquête. Euralil 1, 2, 3, puis l'îlot Pépinière, son bail rural et ses habitants dégagés, puis Éclat Life et ses familles roms délogées. Et pour enjoliver tout ça, le nouveau temple de la consommation Lilénium va prendre en place sur les terres plombées de l'île sud. Voilà. Parfait. Et ben, du coup, il y a un autre... Non, si, bah, je t'entends... Bizarre. Ouais. Moi aussi. Tu parais lointain. Peut-être que comme ça, c'est mieux. Oui. Voilà. Et bah oui, c'était juste mon micro qui était pas branché. T'es sorti de ta caverne, c'est bon. Et voilà, je suis là. Et non, juste pour dans les trucs qui se passent demain aussi, il y a un troisième rencard à 17h à l'Insoumise, cette fois, au 10 rue d'Arras à Moulins, avec la projection d'un film qui s'appelle « La fête est finie », qui est un docu qui sera présenté par son réalisateur qui s'appelle Nicolas Burlot, et qui est sur justement Marseille Culture... Marseille, capitale européenne de la culture, un truc qui est arrivé à Marseille en 2013 et qui était arrivé à Lille en 2004, un genre de faux plan comme ça, et du coup ça rejoint un peu l'appel à la manif qu'on a dit tout à l'heure, où l'idée c'est de revenir sur qu'est-ce que c'est la culture pour l'aménagement de la ville et des choses comme ça. Du coup la projection c'est demain 17h à l'Insoumise. On avait déjà eu la sécu là, qui avait démarré là, avec le comment ça veut dire quoi déjà sécu, c'est Centre européen des cultures urbaines. Centre européen des cultures urbaines, c'était un magnifique bâtiment là qui avait ouvert à côté de, en face de l'Insoumise, et qui était sur où ils veulent nous parler de rap tout d'un coup, dans un truc tout neuf, tout propre, tout bien poncé, et toujours dans le même esprit ça. C'était très festif, hein. Je sais pas si vous étiez allé voir, parce que du coup il y avait des copains qui avaient tracté sur le hip-hop qui avait pas de maison. C'est quand même un truc qu'on peut rappeler, c'est dommage qu'on n'ait pas le tract à rappeler, mais bon, je pense que tout le monde s'en rappelle. C'était sympa aussi, mais c'est vrai que ils s'amusent bien quand même sur l'île avec les nouvelles constructions. Oui. Belle bâtisse. On poursuit cet agenda peut-être. Et non. Oui, et du coup, toujours samedi 14 février 2015, cette fois au soir, hein, c'est une journée bien chargée, à 20h30 au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar à Lille, il y a une soirée concert. Alors, avec La Pince, qui est du Quick Rock de Bruxelles, Destopig, du Post-Punk Noise de Nancy, un troisième groupe, X-Noibis, qui est de la Noise Madcore de Paris et Picardie, et un dernier groupe qui est USA Nails et qui est du Noise Rock de Londres. Et du coup la soirée est à prix libre et c'est à partir de 20h30. On passe au dimanche 15 janvier et dimanche février. Oui, février, c'est vrai, le temps passe vite. Dimanche 15 février à 12h30, il y a un rencard pour un pique-nique, un repas sur la ZAC, la Pépinière, juste à Saint-Maurice. On en recausera sans doute un peu plus longuement dans la suite de l'émission, mais du coup le rencard c'est 12h30 dimanche à Saint-Maurice, Plaisvoisin, place du Triangle Désiré Boucher. Et du coup, c'est sur le faubourg de Roubaix. Ouais. Et c'est une idée de venir manger et puis discuter de ce qui s'y mène là-bas et notamment de cette ZAC pépinière. Et il y a des trucs à manger. Mais... Et c'est bien de ramener. C'est un repas participatif. Voilà. Du coup, c'est bienvenu de ramener aussi de quoi manger et puis de quoi aussi boire, genre de l'eau, du thé, du café, des trucs comme ça pour quand il fait froid. Très bien, et du coup, juste le dimanche 15, il y a aussi un concert au Centre culturel libertaire avec deux groupes, un groupe qui s'appelle The Halfwits, qui est un groupe de punk oi qui vient de Grande-Bretagne, et un autre groupe qui s'appelle Pleine Crasse, qui est de l'anarcho-punk hardcore de Grenoble. Et après, il y aura des DJ, et c'est toujours à prix libre au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar, à Lille. Le lundi midi. Donc 16 février 2015 à midi, toujours au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar à Lille, il y a comme toutes les semaines, tous les lundis et bientôt tous les vendredis aussi, la cantine vegan du CCL avec au menu un jus de fruits frais orange-carotte, en entrée des salades de choux rouges et carottes, beaucoup de carottes dans cette histoire, en plat des falafels aux petits oignons, c'est et précisé, sans friture, peut-être avec des carottes, et en dessert du crumble aux pommes. Et voilà, et du coup c'est à prix libre, et venez tant que vous pouvez. Et donc le mercredi 18 à 18h30, bah, y a toujours la manif du CSP 59, place de la République. Et ensuite, il y a aussi à 19h une causerie populaire autour du monde libertaire hors série sur Action Directe. Donc c'est une discussion et des échanges. Pour échanger autour de la parution du numéro 59 du Monde Libertaire hors série, qui donc consacre son dossier à l'anarchie à l'épreuve du réel, et donc Action Directe, les Actions Directes, voilà. Et c'est au LAG. Ouais, à Liévin. Voilà, 23 rue Jean Jaurès. C'est loin, Liévin. Ça dépend où on habite. Ah ouais, si on habite à Liévin, effectivement, c'est pas si loin. Et alors, dans les nouveautés du coup du CCL, le jeudi 19 février 2015, à partir de 7h du matin jusqu'à 9h30, je crois, se lance le petit déjeuner hebdomadaire. Du coup, c'est un petit déj vegan à prix libre, et qui est de 7h à 9h30. Et je ne sais pas si certaines personnes ici présentes veulent rajouter des choses. Ouais, ça va être trop bien, faut venir. Venez dynamiser votre journée grâce à... Mais ouais, viens déjeuner avant d'aller taffer, quoi. Ou en sortant de ta soirée, d'ailleurs. Ouais, on m'a fait une proposition, hein, on m'a dit « Pourquoi vous ouvrez pas à 2h du matin quand tout ferme ?» Comme ça, ce serait trop bien. Ou si t'as zoné dehors et que t'as envie de te réchauffer aussi. Voilà, aussi. Parce que, voilà. J'ai dit taffer, si tu veux. Si tu veux pas taffer, t'as bien raison. Ah, ouais. J'ai envie de dire. Non, mais si à 7h du matin, t'es en route pour aller tenir ton piquet de grève, ça, en fait, on va dire. Enfin bon, pour ceux qui sont tombés du lit, quoi. Hein. Et donc, jus de fruits, thé, café, chocolat, tartine ou baguette beurrée au beurre vegan, évidemment, ou confiture, vous attendront pour entamer cette journée. Et puisqu'on n'arrête pas de manger au CCL, ouais, c'est vrai qu'on fait que ça, le vendredi midi, on remangera. Et oui, et du coup, cette fois, on redonne le menu. On mangera du houmous, après du hachis parmentier vegan, après un autre cheesecake au spéculoos, et on pourra boire du jus de pomme-carotte. Ça, c'est vendredi prochain, de midi à 14h, et c'est toujours à prix libre. Et du coup, vendredi prochain, toujours, il y a Chez Violette qui commence un week-end autour d'un festival littéraire Chez Violette, 19 place Von Hennecker à Moulins. Du coup, ça sera sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et le vendredi, du coup, ça commence par un apéro pour quand même commencer bien. Ça pourrait commencer bien par autre chose qu'un apéro, mais c'est quand même bien les choses qui commencent par les apéros. Et après... à 20h, c'est une expression libre animée par Amandine D. Et ensuite, à 21h, Les Sentiments du Prince Charles, c'est net, lu et joué à partir de la BD de Liv Stromquist. Excusez-moi. Stromquist. Ok. Qui met en lumière la domination masculine au sein des couples hétérosexuels. Et ça, c'est non mixte. Ça, c'est non mixte le vendredi, ouais. Mmh. Non. Et le. Vas-y. Ah bah je sais pas, moi. Comme tu veux. Dans la continuité, le samedi 21 février 2015 à 14h, enfin à partir de 14h, toujours chez Violette, au 19 place Van Anoker, suite du festival littéraire. Du coup, ce jour-là, je pense que c'est, il me semble que c'est le jour en mixité. Je crois aussi. Samedi. Ouais. Avec à 14h, des lectures d'histoires antisexistes super drôles pour enfants de tout âge. À 16h30, Ce qui n'a pas de nom pour l'heure à partir de l'œuvre de Monique Wittig. À 19h, un buffet à prix libre. À 20h, des lectures et rencontres par Amandine D. Et à 21h, c'est la bringue des bouquineuses avec en spécial guest DJ Virginia Woolf qui fait chauffer le parquet. Et puisque on a juste oublié un tout petit truc, c'est le vendredi soir, du coup la veille au soir du samedi 21, ça sera le vendredi 20 février. Et à 20h30, il y a un concert au Centre Culturel Libertaire avec 3 groupes. Un groupe qui s'appelle Na, qui est de l'expérimental hip-hop drums de Bruxelles, un groupe qui s'appelle Repeat, qui est de l'expérimental électronique toujours de Bruxelles, et enfin un troisième groupe qui s'appelle Ronin, qui est du vaudou spaghetti western instrumental, qui nous vient tout droit d'Italie. Et on s'y perd. Et le samedi 21 février, est-ce que... Il y a un atelier, non? Oui, tu voulais. Oui, un atelier surréaliste au CCL, au Centre Culturel Libertaire. Donc, c'est des ateliers de musique surréaliste. Et c'est à 15h, aux 4 rue de Colmar, à Lille. Oui, et du coup, il y a aussi une discute le samedi 21 février. Je ne sais pas, on me fait passer des petits mots, alors du coup, je ne sais plus lire. Du coup, une discussion à l'insoumise qui s'appelle autour de Frontex et l'Europe forteresse. Du coup, Frontex, c'est l'acteur majeur du contrôle aux frontières de l'Union européenne. Et du coup, c'est de revenir sur qu'est-ce que c'est que cette affaire-là et de voir comment on peut lutter contre cette affaire-là. Et puis, ça sera aussi l'occasion de recoser des luttes à Calais, puisque Frontex est très actif à Calais. Non, mais je voulais juste faire mon gros fan et remettre une couche, parce que vous parlez des sentiments du prince Charles. Que du coup, j'ai vachement kiffé cette BD, que j'ai trouvé vachement bien écrite, vachement drôle et bien plus agréable à lire que des infokiosques chiants écrits avec un langage universitaire imbitable. C'était juste pour remettre une petite couche de plus. C'était bien. Je voulais juste remettre du plus soyage sur les sentiments du prince Charles et dire comment c'était vachement bien et comment il fallait le dire. Parce que c'était bien. Et que c'était drôle. Oui. Voilà. Cool. Et on va peut-être qu'on clôt sur le troisième jour du festival littéraire. Oui, c'est bien, puis oui. Du coup, dimanche 22 février 2015 à 14h, toujours chez Violette, au 19 Place Van den Ecker, il y a le dernier, le troisième et dernier jour du festival littéraire, du coup journée qui est en non-mixité, il me semble, comme... normal quoi, avec à 14h un temps d'accueil et de découverte de la bibliothèque, à 16h des lectures de textes de Joumana Haddad par Ratiba Mokri, comédienne clown de la compagnie Ratibus, à 17h30 lecture de Beauté Fatale, un livre de Mona Chollet sur le complexe mode beauté par Aude Vidal, et à 19h une auberge espagnole. Et juste, puisqu'on en est au dimanche 20, on peut annoncer un dernier truc dans cet agenda. Allez. Allez, soyons fous. C'est vrai qu'il veut. Et du coup, c'est un concert au Centre Culturel Libertaire, pour changer un petit peu. Et du coup, cette fois avec 4 groupes, à partir de 20h30 le dimanche 22 février 2015. Un groupe s'appelle Lady Einstein, qui est du Dada Rock de Bourges. Un groupe qui s'appelle Kaumwald, qui est du Drôme Expérimental de Lyon. Un groupe qui s'appelle, au très bon nom, qui s'appelle Mitterrand, qui c'est de la musique fricadélique. Ça nous vient de Lille, ça peut pas rater. Et en fait, un dernier groupe qui s'appelle Stang Sisters, qui est du garage punk de Rotterdam. Et tout de suite, on va faire une petite pause musicale après cet agenda fleuve. Et je propose qu'on écoute un morceau d'un groupe qui est passé au CCL il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Les Trucs. Et voilà. À tout à l'heure. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et vous écoutez La Voix sans maître, l'émission de tous les anarchistes du monde. Et tout de suite... De l'univers. Connu. Inconnu aussi. Allez, bim. Allez, on les embarque avec nous. De force. Ça doit bien en avoir. Hein. Et tout de suite, sans transition, revenons sur une actualité pas forcément très drôle, mais qui est quand même l'actualité du monde. De toute façon, c'est rarement très drôle, en fait, l'actualité. Et du coup, peut-être qu'on peut revenir sur qu'est-ce qui s'est passé dans... un camp de Rome avec des keufs la semaine dernière. Alors, apparemment, dimanche, donc on était le combien dimanche, hein, 9, c'est ça, non? Si tu veux. 8. Le 8. 8, excusez-moi. Dimanche 8 au soir, débarque des baqueux au camp. Donc apparemment, ce qui se serait passé, c'est il y aurait eu un truc dans le métro. Donc c'est pas très clair. Ça dépend de qui parle entre les joyeux entre les 20 minutes et la Voix du Nord là qui nous dispensent leur petit commentaire. Donc à chaque fois, je sais pas si on va faire une pas que tu touches à ça. Je sais pas si on va faire une chronique de tous les trucs des journaux, de ce qui s'est dit et tout ça. Donc l'intervention des baqueux, donc ils seraient arrivés à 4. Ce qui a été dit, c'est qu'ils étaient certainement bourrés. Ce qu'on sait, c'est qu'ils auraient probablement tiré au flashball. Alors eux disent qu'ils ont tiré en l'air. C'est vrai qu'on a souvent vu des policiers tirer en l'air au flashball. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on les a armés d'armes non létales. C'est pour qu'ils tirent en l'air. C'est vachement ce qu'ils font avec les flashballs. Apparemment, plus que très clairement, il y avait de la lacrymogène, ils ont tiré de la lacrymogène. Donc là, savoir si c'était des grenades lacrymogènes, si c'est des grands coups de familial pour tout le monde, c'est compliqué à savoir aussi. Toujours apparemment, il y aurait eu des gens qui auraient été étranglés. Donc là, on sait pas trop. En même temps, pour ceux qui ont déjà eu affaire au baqueux, on voit à peu près l'ambiance. Ils attrapent par le col, ils vous plaquent, ils sont assez familiers, on va dire, hein, ils sont quand même toujours assez détendus. Donc, ce qui s'est passé exactement, c'est compliqué à savoir. Toujours est-il que, du coup, les flics s'expliquent très gentiment, comme quoi ils auraient été tout à fait dans les procédures, quoi. Hein. Derrière, c'est ce que dit la Voix du Nord. Hein. Bon, ils sont juste venus voir pour une investigation. Voilà. Ça, c'est qu'on se pose tous la question. Une investigation le dimanche soir. Bon, ok, très bien. Alors, apparemment, selon des gens qu'on aurait discuté avec les Roms là-bas, ils disaient que les baqueux se sont fait recadrer par la police nationale qui arrivait plus tard, de ce qu'ils ont compris. Moi, à mon avis, ils ont dû voir... Ils ont dû tomber sur ces gars bien, bien excités. Ils ont dû probablement avoir les calmer. Ils le disent, ils répètent la parole des associations sur la Voix du Nord toujours. En fait, ils sont sur du harcèlement. En fait, ils sont tous les matins là-bas. Ils ont amené des QTF. Ils en ont embarqué 5. Alors, il paraît qu'ils recommencent avec des choses qu'ils avaient fait à Calais, à savoir prendre des gens, leur enlever leurs chaussures et les larguer à 30 bornes du camp. Voilà, donc bonne chance pour rentrer santé pompe. Voilà à peu près l'idée. Du coup, c'est accolé à la manifestation du CSP de mercredi, les associations ainsi que certains des Roms qui ont bien voulu venir. Je pense que c'est assez facile de comprendre que quand on a les flics tous les matins sur le camp, on n'a pas forcément envie de tout larguer pour venir à une manifestation où il est assez clair qu'il était extrêmement à déplorer le fait qu'on était très peu, finalement, parce qu'on était une centaine. Donc un tiers de Rome, un tiers du CSP. Et puis, bon, rajouter à ça quelques militants, les jeunesses communistes, qui ont bien balancé leurs drapeaux, leurs autocollants. Le problème, c'est qu'on était quand même vraiment pas nombreux, que ça fait pas le figure par rapport à la mobilisation pour Rémi Fraisse, décédé à la ZAD du Testet suite à une grenade. Moi personnellement j'ai trouvé assez triste de nous voir aussi peu mobilisés sur cette manifestation. Là maintenant on voit déjà des articles dans La Voix du Nord avec les flics qui seraient carrément à dire, alors on a envie d'en rire, même si c'est définitivement pas drôle. Ils sont carrément à dire qu'il y aurait eu des à remettre en question et à attaquer en diffamation les associations en fait qui se sont prononcées, à dire que à menacer de traîner en justice les associations qui ont déclaré. C'est vraiment, donc je lis la phrase. Une source policière confiait à 20 minutes mercredi que la direction départementale de la sécurité publique, DDSP, maintenait sa version officielle livrée lundi et se réservait le droit de poursuivre en diffamation les auteurs de ces propos s'ils persévéraient. Donc les associations en question, c'est le CSP. Ils citent la LDH, ELV, qu'on n'a absolument pas vu à la manifestation, mais ok, très bien. AREAS, qui ne se sont pas affichés à la manifestation, mais qui étaient certainement là. Voilà, donc on en est là. Et du coup, c'est que tu m'avais parlé d'histoire d'OQTF et peut-être de... Ah, apparemment... Est-ce que tu sais un peu plus sur comment ça se trame la situation un peu plus largement des familles sur le camp ou... Alors, les OQTF, c'est les bonnes raisons pour lesquelles ils viennent, en fait. Parce que du coup, quand on parle de harcèlement, ils viennent tous les matins avec une bonne raison. L'idée, c'est de montrer qu'ils sont là. L'idée, c'est d'être menaçant en permanence avec ce camp qui, disons-le, se trouve donc à quatre cantons. Donc pas si loin, en fait, finalement, de là où on est, nous, ici, ce soir. Donc juste à côté du métro. Il est vraiment collé au métro, j'imagine que ça fait pas propre, surtout dans cette zone, donc toujours pour reprendre en totale gentrification, comme un peu toute la périphérie lilloise. Je pense que ça fait très sale, donc il trouve toutes les bonnes raisons pour revenir régulièrement. Donc une bonne raison, c'est de ramener des OQTF. De ce que j'ai entendu, entre 5 et 9 OQTF distribués, c'était pas très... J'ai pas eu l'occasion de discuter avec les familles. J'aime pas trop me refaire le porte-parole de ce qu'on dit des gens, de faire du discours rapporté, mais voilà. Donc ils ont distribué des OQTF. C'est... Là, la Voix du Nord parle de recherche d'ADN. Enfin bon, c'est... Je crois que... L'idée, c'est quand même de faire peur, quoi. C'est de faire peur jusqu'au moment où, je pense qu'entre entre une grosse bavure comme ça qui interpelle un petit peu, et puis une petite distribution d'OQTF comme ça sur une petite période, une OQTF, normalement, c'est 30 jours pour être dans le légal. Pour être dans le légal, à savoir qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit avec eux. Et du coup... je pense que c'est juste des ouvertures pour une expulsion du camp à un moment ou un autre. C'est probablement quand l'affaire sera un peu redescendue. Et est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un OQTF, ouais, pour les gens qui ne savent pas? Oui, c'est vrai que c'est pas plus mal de repréciser pour les acronymes comme ça qui sont rentrés dans notre langage. Donc c'est obligation de quitter le territoire français. Et du coup, les 30 jours dont tu parlais, c'est la date... C'est la date légale, parce qu'on donne une OQTF. Avant, c'était 15 jours, il me semble. Moi, je sais pas. J'avais en tête 30 jours après... J'en ai rien discuté, on m'a répété ça, donc je reste là-dessus. Je veux bien vérifier, mais je pense que ça serait de bon ton de vérifier. Après, bon, ça reste de la paperasserie, hein, je veux dire, il y a quand même jamais grand-chose qui les a empêchés de vider un camp au niveau paperasserie ou au niveau... Intervention inattendue. Oui, bonsoir, monsieur Noix. Donc, j'anime l'émission qui arrive juste après, Bricolage pour tous. Et du coup, j'ai une petite question à deux balles là-dessus sur comment ça se bricole. Qu'est-ce que c'est une OQTF par rapport à est-ce que c'est une décision de justice ou de police? Alors, l'OQTF, c'est une décision de justice. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont distribué 30 OQTF comme ça parce qu'ils ont réussi à réveiller un juge pour qu'il signe les ordonnances ou... L'OQTF, c'est une décision du préfet. D'accord, c'est une décision préfectorale. Donc, du coup, c'est une décision de police. Et du coup, qui est après... Oui, qui est appliquée par la police, mais ça ne vient pas de la justice. Donc c'est ça que je voulais savoir surtout. Ça n'est pas un juge qui a signé ça. C'est le préfet. Ok, et ben merci beaucoup. Je ne vous embête pas plus souvent. Pas plus longtemps, pardon. Après c'est vrai que moi je détaille jamais ces trucs là parce que je sais que de toute façon ça reste que de la couverture. Enfin, je pense que si je m'appelle bien dans l'émission, c'est la voix sans maître, hein, c'est ça. On est dans une émission anarchiste. Hein. Non, je voulais juste. Donc du coup, globalement, enfin, on sait bien que ça va pas servir à grand chose d'aller chercher un avocat ou je sais pas quoi et d'essayer de... Enfin, je sais pas, moi je suis pas très confiant sur la justice pour ce genre de choses, en fait. J'attends pas d'elle une protection, j'attends pas d'elle d'essayer de composer. Je pense qu'il y a certains moments où nous en tant que Français on peut un peu s'en saisir. À certains moments, pour sauver notre peau, il se trouve que pour toutes les personnes étrangères sans papier en France, c'est beaucoup plus compliqué de compter sur la justice. J'en rigole, mais ça n'a vraiment rien de drôle, en fait. En l'occurrence, c'est juste que ce qui se passe, c'est que... Enfin, je veux dire, il y a vraiment des gens qui meurent, en fait, dans ce pays parce qu'ils essayent de venir y vivre et venir essayer de faire leur vie. Et je veux dire, c'est quand même fait en toute impunité et avec la justice qui ferme les yeux comme elle sait si bien le faire dans sa représentation allégorique comme tous les jours en France, en fait. Donc c'est sûr que je suis pas très confortable avec cette Je suis en partie d'accord avec toi. Après, le truc qui était assez fou qui montrait le visage de la police et qu'est-ce que c'était la banalité du truc, c'est que les types ils étaient quand même bourrés, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire un dimanche soir. Et le truc drôle qu'ils ont trouvé à faire un dimanche soir, c'est d'aller gazer dans un camp de Rome. Du coup, ils peuvent trouver toutes les bonnes excuses qu'ils veulent. Enfin, ils les trouveront. Et puis, de toute façon, ils sont keufs. Du coup, ils sont assermentés. Du coup, ils ont à peu près aucun souci à se faire sur le fait de trouver une bonne raison d'être dans le camp de Rome et faire les cobayes. Et c'est un peu ça, en fait, qui était peut-être le plus marquant dans cette histoire, c'est que, en fait, pour le coup, là, c'est, enfin, le harcèlement de la police, notamment sur les populations roms, c'est quelque chose de quotidien. Après, là, c'est un côté de venir bourrer et de faire les cow-boys à ce point-là. Ça avait le côté un chouïa plus, je sais pas quoi. Ça voulait dire quelque chose de l'ambiance, quoi. Ça voulait dire quelque chose de qu'est-ce que c'est le truc tous les jours et qu'est-ce que c'est la relation des policiers aux Roms pour se sentir à ce point dans une situation d'impunité à venir faire n'importe quoi dans un camp de Roms, je sais pas. Bah, moi, je suis entièrement d'accord avec ça, oui. C'est sûr que c'est cette... Enfin, on voit bien ce qui s'est passé là avec, avec les récents événements, à applaudir la police et tout ça. Bon, je crois qu'ils sont très détendus. Est-ce qu'on passerait un petit morceau de musique, mes camarades, mes compagnons et compagnones? Vas-y, ouais. fais-nous voir ce que tu nous as sorti. Alors là, je vous ai préparé un truc qui est une autre époque, mais toujours un combat contre la police. Fait péter, comme on disait à la mienne. Qui est une chanson révolutionnaire yiddish du début du XXe siècle. Oula, alors je sais pas comment il disait à cette époque. Et ben alors du coup ça s'appelle Daloy Polizei, et du coup c'est pour virer la police du tsar Nicolas II. Je sens que je vais danser. Voilà, tu peux danser dans le studio de Radio Campus. Je sens que là, petite jig. Là, je vais vous faire un petit déhanché, là, vous n'allez pas être déçu. Ça va être très très bien. Nikolai klemmt Bagroben mit der Mammen. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Sama der Schar, jetzt Rasse. Nach no Tage fährt ein Wegele mit Mist, ein Zitzer geworden nach Kapitalist. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Sama der Schar, jetzt Rasse. Brüder und Schwester, lau mir sich nicht ersten, lau mir Nikolai klemmt die Jorle vergessen. Hey, hey, hey, da loi Polizei, da loi Sama der Schar, jetzt Rasse. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Sama der Schar, jetzt Rasse. Allez, tout le monde a bien dansé. Et vous êtes toujours sur La Voix sans mettre sur Radio Campus 106.6 FM. Et tout de suite, peut-être qu'on va revenir à Lille et d'autres joyeusetés de la métropole lilloise, peut-être. Allez, faisons ça. Alors, attendez. Du coup, on proposait de revenir un peu sur un événement qui a lieu dimanche, donc qui en l'espèce est en fait un repas participatif et une après-midi à propos de l'avenir de la ZAC Pépinière. La ZAC Pépinière, ou peut-être je lis l'appel d'abord et après je lirai et après je développerai le reste. L'appel dit: depuis 20 ans, Euralil et LMCU opèrent de la même manière. Ici, en prévision du projet de l'îlot pépinière, après un rachat à bas coût et l'expulsion des habitants, le temps et les intempéries pourrissent les maisons. Après démolition, les bétonneuses bétonnent, les deux derniers hectares de bois restants dans cette ville seront remplacés par 250 logements et des centaines de voitures. En dépit de la prose fleurie des urbanistes et des architectes, remplacer béton, expulsion, pollution par un trait d'union entre la modernité d'Euralil et le quartier traditionnel de Saint-Maurice, Ce projet n'est rien d'autre qu'une basse opération de promotion immobilière dans l'une des villes les plus chères de France. À 5 minutes de la gare TGV, les cadres mettront le prix pour aller à Paris à pied, les autres devront faire place nette. Nous connaissons déjà le projet de Ralille. C'est le même type d'urbanisme standardisé et moche que du côté impair de la rue, que sur le boulevard Hoover ou Porte de Valenciennes, aux anciennes rues modestes mais vivantes, une ville anesthésiée par leurs mètres carrés de bureaux, leurs espaces résidentialisés et leurs aménagements paysagers. Au regard de ce qui se fait déjà, souhaitons-nous vraiment que la ville continue, pour reprendre le slogan municipal. Les enjeux financiers d'une telle opération sont colossaux. Face à cela, les derniers habitantes et habitants et les tritons qui habitent l'île aux pépinières ne suffiront pas. Mais nous pouvons nous réunir, discuter de la ville que nous voulons et qui sait stopper l'avancée de Ralille. Pour cela, rendons-nous sur la place du triangle Désiré Boucher, donc qui est sur le faubourg de Roubaix et qui se situe juste en face de l'entrée de la dite pépinière, ce dimanche 15 février à partir de 12h30 pour un repas participatif, entre parenthèses, amenez ce que vous voulez, des trucs végétariens et véganes, c'est encore mieux, et une après-midi en fanfare avec la brigade des tubes. Et une réunion publique aura lieu dans la foulée à 16h pour approfondir ensemble le sujet de la ZAC pépinière et voir ce qu'il est possible de faire. Et du coup, c'est à l'appel du collectif pépinière, qui est aussi joignable sur un mail qui s'appelle pépinière@riseup.net. Et donc, pour approfondir un peu tout de suite... Ah. Tire ton ordi. Il faut que je tire mon ordi. Pour voir mieux. Non, ça tape moins sur ton micro. D'accord. Donc, comme je disais, l'île aux pépinières, c'est dans le quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin, sur la rue du Faubourg de Roubaix. Du coup, c'est vraiment un peu dans le creux quand on arrive de l'île Europe. Ça couvre en gros une surface d'1,67 hectare et c'était jusque-là divisé en 49 parcelles. Et la majorité du terrain était utilisé en tant que pépinière depuis 1840, avec notamment deux familles principalement qui se sont succédées dessus. Et le souvenir, je pense que ça doit être en 2014, à peu près avant l'été 2014, où la fleuriste qui du coup utilisait aussi le terrain. Et avait un magasin juste devant l'îlot, a fermé, je pense, ses portes au début de l'été de cette année, après expropriation par la mairie, de mes souvenirs. Pour la petite blague, d'ailleurs, ils lui ont proposé d'avoir un magasin dans le futur projet à raison de 3000 euros de location par mois. Ce qui est assez compliqué à tenir quand on ne peut pas produire soi-même ces petites fleurs. Mais ça, c'est une petite anecdote. Et sur ce terrain, la partie pépinière, c'était le dernier bail rural de l'île, qui était requalifié en ZAC, du coup zone d'aménagement concertée, il y a 2 ans, je crois. Mais du coup, c'est un des endroits à Lille, peut-être bien le seul, où il y a encore des terres qui sont pas complètement, pas bétonnées pour le moment, en tout cas, ça c'est sûr, mais qui sont pas complètement ravagées non plus par tout un tas de trucs post-industriels, ou enfin, industriels tout court, et qui sont encore cultivables, et qui, là, pour l'instant, seraient voués à la bétonisation, au profit d'un projet de grande envergure porté par la ville de Lille, la communauté urbaine et la société publique locative Euralille, qui prévoit de construire 257 logements avec des immeubles de 3 à 9 étages. Par ailleurs, les 9 étages seraient soi-disant proches du cimetière qui entoure tout le terrain, parce que les morts ne vont pas être dérangés pour ça. Et voilà. Et alors, il y a aussi, du coup, sur tous les abords du terrain, des maisons, une rangée d'habitations qui, pour certaines, sont vides depuis facilement plus de 20 ans, entre 20 et 30 ans, qui ont été laissées à pourrir par la mairie, tant et si bien qu'il y a eu certaines maisons encore habitées qui ont des murs complètement dégradés, tellement la maison d'à côté était moisie d'humidité. et que la mairie se fait attaquer là-dessus, ce qui est plutôt pas mal. Et il reste pour le moment... ah oui, et ces maisons aussi, dont la petite, pour la précision patrimoniale, on dirait. C'est aussi des maisons qui datent de très longtemps et qui ont des ossatures en bois, du coup, ce qui est assez rare à Lille et qui date de la fin du 19e siècle. Un peu une période où ce quartier, ben, du coup, il était en dehors de la ville et du coup, plutôt de qui se faisait plutôt de manière autoconstruite et qui avait un peu, qui ressemblait complètement à autre chose. Et dans ces maisons, certaines de ces maisons, du coup, il reste encore des gens. Et notamment plusieurs familles ou individus qui sont propriétaires, qui veulent pas se casser, enfin qui veulent pas vendre et qui subissent un harcèlement, comme ils le disent, depuis pas mal de temps, puis même presque plusieurs années, où ils reçoivent des lettres plus ou moins tous les 6 mois en leur disant, enfin. Ou en leur disant que dans les 6 mois, il y aura leur maison qui sera détruite, et puis voilà. Tout un tas de... Il y a des huissiers qui passent régulièrement. Là, en ce moment, ils veulent détruire des maisons qui sont vides depuis longtemps, et du coup, les huissiers passent pour, soi-disant, assurer la sécurité des voisins et voisines. Mais ils ne peuvent pas toujours rentrer, ce qui est un peu embêtant dans leur petite procédure, et ce qui est plutôt pas mal. Que dire de plus ? Que parmi donc, ces 5 familles, ben, y a eu pas mal de travail qui a été fait il y a à peu près un an et aidé, notamment lors de la création des ateliers populaires d'urbanisme de FIV, qui ont beaucoup bossé avec eux, notamment sur la question de l'enquête publique. Du coup, enquête publique qui a été validée avec des réserves. À savoir que les réserves de la commissaire enquêtrice, c'était sur la hauteur des bâtiments, que c'était sur... comment ? Enfin, sur la pollution... parce que du coup ça ramène plein de voitures, tous ces logements, et même peut-être prévu un petit parking à étage, donc la hauteur, qui il y avait une demande limitée à 3 niveaux en plus du rez-de-chaussée, et pour autant tous les plans pour le moment restent à 9 niveaux, et pas très longtemps après que cette... que l'enquête publique ait été validée. Il y a eu aussi Martine Aubry qui a qualifié le dossier de l'île aux pépinières comme un dossier ficelé. Alors que l'enquête publique n'était pas terminée. Et dans les petites choses sur des questions pseudo-démocratiques, du coup, il y avait eu des engagements des élus à acheter les maisons au prix du marché auprès des propriétaires. Et pour l'instant, c'est la moitié des prix du marché qui sont proposés. Et il y avait eu aussi un engagement du maire de quartier à l'époque, Dominique Planck, qui essaye tant bien que mal de se recycler dans les actions militantes maintenant, vu qu'il n'est plus élu, mais qui avait précisé qu'aucune expropriation n'était envisagée à l'encontre des propriétaires qui souhaitent garder leur maison rue du Faubourg de Roubaix. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du coup, les 5 familles qui restent sont expropriables et peuvent être expropriées, et il faut encore que la procédure en tant que telle n'a pas été lancée, mais elle ne saura tarder. Je sais pas si... Peut-être on peut faire une petite pause ou... Oui, vous voulez rajouter. J'ai peut-être beaucoup parlé. Non, c'était très bien, mais peut-être qu'on fait... Je sais pas. Alors j'ai une question. Est-ce que vous voulez écouter Drowning Dog ou est-ce que... C'est bien Drowning Dog. Ouais. Allez. Attends, c'est quoi le choix, coup, c'est quoi le non, choix non, je voulais refaire. Et juste pour dire que donc, si vous voulez... creuser un peu sur tout ça, il y a un rencard dimanche qui arrive, donc 15 février, pour un repas participatif en fanfare avec la Brigade des Tubes à partir de 12h30 sur le triangle de la place Désiré Boucher en face de l'île aux Pépinières, et qui sera suivi d'une petite discussion à 16h. Voilà, c'est parti. Du coup on écoute Music. Drowning Dog and DJ Malatesta avec un morceau qui s'appelle My God, My Girl Got Pressure. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Ah. Et on recommence l'émission. Drowning Dog, Coma, Drowning Dog, Acrobat Production. Drowning Dog, Coma, Drowning Dog, Kinity, the Kinity. My girl's got pressure. Wish I could just go back to the Dairy Queen, yeah. They say they take me back. One trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, One trip, we can make a mistake, pressure, pressure, pressure. My girl was fired for being pregnant. I don't know where her fucking head went. She's seeking me on to give a fuck about life. When he'd rather take her in the back, race or styly. Black, black, piled in the stack, she be like she's 60. Like how we treat her old. You said you had your day, and now that truth's been told. You ain't used and abused, been no more confused. Fired for being pregnant, which I think could be next. We all disposable heroes, and these killers come correct. There's a 2 week left, and you can't pay your rent. Your paycheck says 150, my daycare 160. One trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, hell. One trip, we can make a mistake, pressure, pressure, pressure. My girl was fired for being pregnant. I don't know where her fucking head went. She's thinking me, I wanna give a fuck about life. When he'd rather take her in the back, race or style. Out in the stack, she be like she's 60. Like how we treat her old. You said you had your day, and now that truth's been told. You been used and abused, been no more confused. Fire for being pregnant, which out you could be next. We all disposable heroes, and these killers come correct. There's a 2 week lapse, and you can't pay your rent. Your paycheck says 150, my daycare 160. Pressure in this cooker like we're pieces of rice. Struggling for this life like we all are. To different degrees, you got me begging on my knees. I'm begging boss man, please. I'm begging for the obvious. Get off top of us, no hierarchy. Hold me down, you said we box the scene. And there's no more sound, hitting can't save me now. Like she ever could. She's feeling her position, man, she's feeling her role. This role we've seen before, and I think we can have a class in society. Horizontally, dismantle the power stack, distribute our wealth back. So get up, it's a stick up, stick up. They got us begging on our knees, we're begging boss man, please. I'm begging for that obvious, get off top of us. No hierarchy, hold us down, you box the scene. No more sound, Harry can save us now. And it's one trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, hell. One trip, we can make a mistake, pressure, pressure, pressure. And it's drowning dog trauma connection. Make some fucking noise, pressure. Vous êtes toujours sur Radio Campus et c'est toujours la voix sans maître qui termine, tant bien que mal. Et du coup, juste pour terminer, on voulait causer d'un dernier truc qui est des contrats militaires, puisque tout le monde s'est réjoui, et François Hollande le premier, que la France vient de vendre 24 Rafales, des avions de chasse. À qui attention, je vous donne un mille. Attention. À l'Égypte. Allez, encore un mètre. Du coup, on reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est ce régime égyptien à qui François Hollande a vendu des Rafales. Mais juste, la semaine dernière, on causait d'un truc qui était un peu anecdotique, mais qui est quand même assez révélateur, que la promotion de l'ENA de cette année s'est intitulée promotion George Orwell. Et du coup, Orwell, il disait un truc dans son bouquin 1984, que la paix, c'est la guerre. Et alors du coup, là, c'est d'autant plus approprié, puisque, aujourd'hui... on va préparer la paix en vendant des rafales à tout le monde. Alors du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est que on va pas développer longtemps l'histoire de cet avion de chasse, mais que c'est un avion qui est où ça fait plusieurs dizaines, non, plusieurs années, en tout cas bien 15 ans que la France essaye de vendre des Rafales à qui en veut, que pour ça elle n'a pas tellement de scrupules à qui avant des Rafales, hein. Elle a essayé d'en vendre à tout le monde, au Proche-Orient enveloppé, au Maroc, et puis voilà, tout le monde, mais personne n'en a jamais voulu parce que c'est un peu cher quand même. Et là, l'Égypte s'est déclarée volontaire pour acheter 24 Rafales. L'Égypte est même était particulièrement pressée d'acheter des Rafales, puisque d'habitude, c'est des négociations qui prennent vraiment beaucoup de temps, dans lesquelles il y a plusieurs années des tractations entre les chefs d'État pour conclure des marchés. Là, c'est un marché qui représente quand même quelques milliards d'euros, hein. C'est quand même des gros chèques. Et du coup, là, les Égyptiens étaient particulièrement pressés. Alors juste peut-être, on va revenir tout de suite en fait sur qu'est-ce que c'est le régime égyptien. À tes souhaits. Et du coup... le régime égyptien, c'est un régime qui est issu du coup du pourrissement des révoltes du printemps arabe, et notamment de ce qui s'était passé sur la place Tahrir, où du coup il y a des militaires qui ont pris le pouvoir en Égypte, ce qui du coup explique un chouïa mieux la vitesse de cette affaire et tout ça. Peut-être je vais vous lire le début d'un texte qui s'appelle « Principe de contre-insurrection », qui est un texte qui a été publié sur un site qui s'appelle « Lundi matin » et qui revient sur la situation en Égypte. On ne sourit pas, il n'y a pas que des choses bien sur « Lundi matin », mais parfois il y a des choses bien. Ah si, si, c'est très... J'adore. Ah, non, mais j'aime beaucoup. Des jolies photos, surtout. Il y a des jolies photos. Et voilà, on fera une critique de « Lundi matin » autre jour, et je vais essayer de commencer la lecture de ce texte. Le 25 janvier 2011 débutait une insurrection sans précédent en Égypte qui provoqua... non, en fait, je ne vais pas lire le texte, ça va être trop long. Il est un peu long, oui. Il est un peu long. Mais juste, en fait, ce texte, il disait que... il faisait le point, justement, depuis ce moment, la chute de Moubarak, qui était au pouvoir depuis 30 ans, et que du coup, il y avait eu une insurrection sur la place Tahrir, on s'en souvient, et que ça faisait partie de ce qu'on avait appelé le printemps arabe, et que du coup, rapidement, c'était les frères musulmans qui, dans les manifestations, en avaient récupéré la légitimité, et que, après une période qui avait été particulièrement conflictuelle et violente et d'affrontements, il y avait eu des élections et l'arrivée des militaires en Égypte. Du coup, on a, voilà, ça explique un chouïa la vitesse de la signature du contrat de 24 Rafales. Et c'est aussi le fait de... que la France a bien sûr déjà elle est prête à vendre des Rafales à un peu n'importe qui, et puis que du coup l'Égypte elle est quand même dans un endroit un peu stratégique dans la situation qui se passe avec le foutoir que c'est au Proche-Orient. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette émission, et c'était une espèce de chronique n'importe comment à la hache, mais on rappelle que 35 secondes. Oui, 35 secondes. On rappelle que la pression. Qu'il y a des rancards. Mais non, c'est pas pour mettre la pression. Bon, bah voilà, on rappelle plus rien, et puis on va s'en aller. Et puis voilà. Allez, on se casse. Hein. Il y a une prise de pouvoir là, tout d'un coup. Voilà. On s'est fait pousser nos 20 dernières secondes. C'est comme ça qu'on se fait têche après. Voilà. Bon. Eh ben, bonne émission, hein. Vous écoutez toujours Radio Campus. Il est bientôt 21h, ça y est, c'est tout cassé, mais t'en vas pas tout de suite, hein. Allez, salut, ciao. Non, je dis au revoir.